Bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rockfork Show, le premier Rockfork Show de l'année, et qui est le 71e depuis notre hébergement chez Air Radio et Radio Biz, bien entendu. Bonsoir mon cher Tom Affleck, et bonne année. Bonsoir. Et bonne année, bien entendu, à tous nos auditeurs. Meilleurs à tous, et gros météo québécois, Radio Biz, RadioQuébec.biz. On vous souhaite une heavy Metal New Year, et ce soir ce sera une émission spéciale Heavy Metal New Year, bien entendu 2017, avec que des choses, presque que des choses entendues, enfin que vous allez entendre et découvrir en 2017, puisque nous avons commencé avec un hommage. Alors là c'était pas 2017, hein, malheureusement c'était bien 2016, tout comme Lemmy il y a deux ans maintenant. Non, non, un an. Ouais, enfin, il y a un an, mais bon, c'était... Un an et quelques jours. Donc l'émis, c'était le 28 décembre, et Rick Parfit, guitariste émérite blond, dînait, et un des deux seuls membres fondateurs du groupe Statico qui restait encore en action, en activité, on va dire. Eh bien, monsieur Rick Parfit nous a quittés à l'âge de 68 ans, le 24 décembre. Donc il n'a même pas pu fêter le réveillon de Noël avec ses enfants. Voilà, c'est un peu dommage. Donc on vous a passé Whatever You Want, un des titres emblématiques de Statu Quo. C'est un titre en live, tiré d'un live at Glastonbury en 2009. Voilà. On lui rend hommage à travers cet album live, parce que les gens, on les aime quand ils sont vivants. C'est pour ça que j'ai choisi un titre live. Rick Parfit, donc, 68 ans, il est décédé d'une infection grave. J'ai pas plus de renseignements là-dessus. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment très mal, très très mal, parce que c'était une figure emblématique encore de notre musique. Bon, même si c'était pas du métal à proprement dit, mais c'était quand même du boogie rock. Et ça a toujours fait partie de la famille métal Statu Quo. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, eh bien, vous le savez, c'est demain que tout commence. Au Paris Metal France Festival, 6e du nom, les 6, 7 et 8 janvier, bien entendu. Et ce sera donc au plan Ris-en-Rangis, 1 avenue Boulevard, je sais plus, Louis Aragon. Avenue Louis Aragon. Il y aura 41 groupes, dont ADX, que vous entendez en fond sonore. Pourquoi on a choisi ADX pour ouvrir? Tout simplement parce qu'ils joueront les 3 jours. Et pour enfoncer un petit peu le clou, vous dire qu'ils fêtent leurs 35 ans. Si Ma Pomme fêtera ses 50 ans demain, eh bien ADX fêtera ses 35 ans. Et le festival fêtera ses 10 ans. Pas beau tout ça? Et Julien, si ADX a fêté son anniversaire il y a très peu de jours. Là, il y a le 2 janvier, c'était l'anniversaire de Julien, bassiste d'ADX. Alors on lui souhaite, avec un petit peu de retard, joyeux anniversaire, monsieur Julien. Et puis on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de janvier, comme ça on en oubliera aucun. Et il y en a. Et il y en a, je peux vous dire qu'il y en a, parce que moi j'en ai déjà 18 à souhaiter et à fêter. Donc, ça fait du champagne à ouvrir. Ça fait de la galette à manger, ça fait beaucoup de choses, et je pense que le foie n'est pas prêt de se reposer après les deux réveillons déjà, donc ça va être un peu dur. Donc ce soir, on a décidé de vous passer plein de titres inédits, plein de choses qu'on n'a jamais passées dans le Rock for Show. Et on va vous donner aussi pour ADX, puisque pour que l'info soit complète. Ils joueront le vendredi à 21h05, ils joueront le samedi à 21h45, et ils joueront le dimanche à 20h50. Voilà. Des 2 et des 5. Oui, et que des 7 listes différentes. Donc soyez bien présents si vous voulez assister à l'enregistrement live, bien évidemment, de ces 3 concerts. Nous allons commencer avec du thrash metal américain, qui nous vient de New York, puisqu'il s'agit du groupe Overkill, qui nous sort un nouvel album qui s'appelle The Grinding Wheel. Cet album sortira donc chez Nuclear Blast. Alors, on a pris de l'avance un petit peu, puisqu'il sortira que le 10 février, mon cher Tom. Yes. Donc on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. C'est un quintet qui s'est formé en 1980, donc c'est dans les vieux qu'on fait... qu'on fait de la meilleure confiture. Et c'est dans les vieux métalleux qu'on fait le meilleur metal, le meilleur trash metal, puisque c'est de cette musique dont il s'agit. Avec un titre qui s'appelle Mean Green Killing Machine. Voilà, et vous allez voir, le titre dure très longtemps, et vous allez en prendre plein les yeux, les oreilles, enfin tout quoi, puisque vous pouvez également retrouver, je crois, un clip sur internet. On fait dans le prog ce soir. Ouais, ah oui, c'est du prog trash, c'est du trash prog, complètement. Et nous allons enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus court, beaucoup plus punchy, puisqu'il s'agit d'un Canadien. Danko Jones, une des mascottes du Rock for Show, je pense, parce qu'on le passe quand même relativement souvent. On vous a dit tout à l'heure qu'on était un peu en avance sur Overkill, mais là on est... là, le printemps il arrive, là, ça y est. Voilà, c'est bientôt le printemps, puisque ce sera donc... un album qui sortira le 3 mars 2017. L'album s'appelle Wildcat, et on vous propose de découvrir le premier titre de cet album qui s'appelle I Gotta Rock. Qui est le 8e. Oui, 8e album, effectivement. Et son concert le 30 mars. Oui, bon, c'est pour vous ça. Vous avez le temps à la Maroc. Ouais, mais prenez vos places en avant. C'est la bien. Maroquinerie. Hein. La Maroquinerie, oui, tout à fait. C'est rue Boyer. Tu ne ris pas ? 26 rue Boyer. Si, non, non, je ne ris pas. Mais la Maroquinerie, c'est tout à fait. C'est bien le beau jeu de mots. Il n'a pas changé depuis 2007. Il faut bien le suivre, en tout cas. On prend les mêmes et on continue. Complètement, complètement. Donc, ça sort chez AFM, label allemand. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Bah, c'est un trio de hard rock où le personnage principal d'Anko parle beaucoup entre les morceaux dans son concert, un peu comme moi, quoi. Le groupe s'est formé en 1996. Où ça ? Au Canada. Oui, mais où ? Dans où, l'Ontario. Où ? Oui, mais où ? À Toronto. Ouais, bravo, Toronto. Voilà, donc encore un magnifique album. Franchement, l'album, bah, ça déroge pas à la règle. Hein. Je crois que c'est pour fêter les 20 ans en plus, je crois, les 20 ans de carrière. Bah, je m'imagine que 96, ah oui, 2017, ça fait 21 ans même. Oui, mais bon, c'était pour fêter les 20 ans qu'il a enregistré. Puisqu'il sort seulement maintenant, mais il a été enregistré en 2016. Nous enchaînons ensuite avec des Français, mais qui nous viennent pas de là tout de suite. Là, hein. Ils nous viennent de Nouvelle-Calédonie. Ouais, ils, de ont ils ont sorti leur album hier. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, demain. Oui, demain ouais. Ils sortiront leur album demain. Le 6 janvier, le jour de mon anniversaire, ça c'est bien. Merci les gars de m'offrir ce fact. Puisque c'est le nom de l'album et le titre que je vous propose de découvrir. Mythomaniaque. Un peu comme Tom, non ? Ouais, ou comme toi. Complètement. Ça dépend. On est complètement mythomaniaque. Ça sort chez MEO Music, le petit label qu'on aime bien. Salut Julien et Alexandre au passage. Tout à fait. Et on leur souhaite aime bien aussi. Une très très bonne année aussi à eux. Et on leur souhaite que leur label soit. Perdure. Florissant. Et puis qu'il ait plein de nouveaux groupes. Comme. Il a du boulot déjà, je pense. Enfin, ouais, mais comme Red Sphere, de toute façon, ils ont pas mal de sorties. On vous en reparlera dans les semaines à venir. Donc, Nouvelle-Calédonie, c'est du trash également, mais du trash death, cette fois-ci, du trash death metal. Voilà, un petit groupe de Nouméa. Et enfin, on finira avec un groupe que les gens connaissent. Alors, moi, j'étais resté sur Xandria avec une chanteuse. Et apparemment, Xandria fait dans quelque chose de différent, puisque je n'ai pas entendu la chanteuse sur les titres. J'en ai reçu trois, les titres. Et je n'ai pas entendu la chanteuse sur les trois titres, à part dans les chœurs. Mais bon, voilà. L'album s'appelle Theater of Dimensions. Ils font du métal symphonique. Oui. C'est pas la 7ème symphonie, mais c'est leur 7ème album. C'est leur 7ème album. Ça sort le 27 janvier chez Napalm Records. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle... Lost Words for Words. Lost for Words. Et franchement, c'est beaucoup plus trash death que mélodique que ce qu'il faisait avant, que du métal symphonique. Alors vous allez vous en rendre compte par vous-même, l'album fait 13 titres. Le groupe s'est formé en 1994, ils sont allemands, bien sûr. Et bah, ma foi, vous allez vous en rendre compte que Xandria a quand même pas mal changé, parce que Xandria, les premiers temps, c'était quand même une espèce de ressucé de Nightwish, un sous-Nightwish. Et bah aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec Nightwish. Alors on vous laisse en musique, et attention, ça va durer longtemps, surtout avec Overkill. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. On va vous donner quand même le numéro de téléphone 06 81 01 28 34, puisque vous avez déjà commencé, voilà. Enfin, Phil va être débordé, donc c'est pour ça. La pause est longue, c'est très bien pour toi, je crois. Ouais, allez, musique. I'm gonna roll tonight. I wanna now. I wanna. We'll be right back. Satan can take the form of a beautiful woman. Satan can take the form of a sleek animal. An automobile can be very satanic. These things can be anthropomorphized into Satan. De retour dans les studios, oui. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez? Ouais, oui, on t'entend. Ah ouais, t'es là pas. T'es là. Il est 20h passé de 3 minutes ici en France, hein, mais pas au Canada, parce que là-bas il est 14h03, c'est ça? C'est ça à peu près, ouais, quelque chose près, voilà. 14h03, 4, 5, enfin, ça dépend. Et on leur souhaite, on vous souhaite à tous encore une très très très bonne année métal, bien entendu, hein, au son de Merciless que vous entendez, tiré de leur dernier album, qui est sorti l'année dernière, en 2016, hein, je crois que ça devait être septembre ou octobre. Voilà, et puis ils seront donc au Paris Metal France Festival, on vous le rappelle, c'est à partir de demain, hein, l'ouverture c'est demain à partir de 17h30. Ne ratez pas Merciless qui seront en tête d'affiche. Mais avant de vous reparler du PMFF, on va vous débriefer un petit peu ce que l'on a entendu, puisqu'il s'agissait de Overkill suivi de Danko Jones avec Redsphere et Xandria. Voilà. Et donc pour en revenir au Paris Metal France Festival, sachez que Merciless jouera à 22h30 et ils seront la tête d'affiche de ce vendredi 6 janvier, voilà, au plan Harris Orangis, au 1 boule, avenue Louis Aragon. Donc le métro, enfin le RER, c'est RER D, Orangis, Bois de l'Épine. Alors ne descendez pas à Harris Orangis, non, descendez à Orangis, Bois de l'Épine. Et là, la salle, elle est juste en face du RER. Donc vous avez juste à traverser et le RER vous dépose au pied de la salle. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, il y aura 41 groupes. Sachez que les places ne sont plus en vente sur Big Cartel maintenant, puisqu'on ne pourra pas vous envoyer les vrais billets. Mais vous pourrez quand même acheter des vrais billets à l'entrée, au plan, à Harris Orangis, puisqu'il y aura des places en vente, bien entendu, au guichet. Sauf que vous paierez un petit peu plus cher. Au lieu de 25€, puisque vous vous êtes pris un petit peu tard, eh bien, ce sera 30€. Et le pass 3 jours pour le vendredi sera à 70€ au lieu de 65€. Mais vous pouvez toujours acheter sur WizEvent. Et puisque vous imprimez vous-même votre billet sur WizEvent, donc voilà, quoi, c'est encore une solution pour payer moins cher. Nous allons passer à la suite de la programmation avec... on va retourner en Allemagne. Ah, la tienne, mon cher. Bonne année. Oui, puis on va voir... Guten Jahrt. Non, Guten Jahre. Guten Jahrt. Non, parce que Neue Jahrt. Non, Neue Jahre. Pourquoi Hart? C'est quoi Hart? C'est quoi? Ah non, Guten Jahre. Oui, non, Hart, oui, non. L'année, c'est Jahre. Jahre. Guten Jahrt, moi j'étais. Je me trompais, oui, avec Guten Jahrt. Avec Guten Jahrt, mais non, pas encore. Guten Jahrt dans quelques heures. Si tu vas pas encore aller te coucher quand même, c'est pas incroyable. Oh, presque. Depuis qu'il a fait tous les réveillons là, et qu'on réveillonne encore aujourd'hui, et puis tout le week-end, eh bien monsieur va aller se coucher. Bah faut que je me prépare quand même. Ah oui, parce que là, le week-end assez lourd quand même. Moi c'est H24 pendant 3 jours, donc 3 jours H24. C'est 72 heures d'affilée, moi. Alors on va vous rappeler les horaires, hein, 17h30 pour le vendredi et 13h30 pour le samedi et pour le dimanche, et tous les concerts finiront à 23h30 par contre, hein, pour le Paris Metal France Festival à Harris Orangis. Pour toi ça finit à 23h30 mais pas pour tout le monde. Non, pour les autres ça finit à 23h30 mais pas pour moi, c'est ça que tu veux dire plutôt. Moi ça finira à 2h45. Moi ça finira à... Ah non, ça finira, tout finira le dimanche soir, moi. Enfin même pas, ça finira, ouais, le 15 janvier, moi. Ouais, bon, bah on verra bien. Allez, on va partir vivement avec le 15 Accept. Que je me couche. On va partir avec... Pourquoi ça démarre jamais Parce que il dure 40 secondes. Mais il bug ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que tu me l'as envoyé en 40 secondes. Oh merde. Bon bah d'accord, ok. Bon bah je t'ai envoyé que l'intro, quoi. Je t'ai pas envoyé. Bah voilà. T'es sûr que c'est le bon titre que tu passes? Oui, tu m'as envoyé l'intro. Bon. Et t'as pas un autre titre dans tes MP3? Hein, tu dois l'avoir, ça. Hein, du Merciless dans les MP3. Allez, on va repartir en Allemagne avec un groupe qui s'appelle Accept et qui nous sort un album live de Derrière les Fagots. On vous en avait déjà parlé en 2016. L'album s'appelle Restless and Live. Ça sort chez Nuclear Blast le 13 janvier. C'est du heavy metal, bien entendu, hein. Le groupe s'est formé en 1971, ce qui n'est pas récent. Et quoi d'autre? Eh bien, oui, c'est le premier live avec le nouveau chanteur qui est là depuis 2006, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ça fait 10 ans déjà qu'il est là. Non, 2009, il est arrivé en 2009. Et donc, c'est monsieur Marc. Mais qui sait même plus où on est. Bah oui, bah, tu sais, il y a tellement de choses qui changent. Hein. Marc Tornillo, qui était chanteur de Titi Quick. J'adorais ce groupe italien. Et donc, il a remplacé monsieur Udo Dirkschneider, qui lui aussi sort un album live, double live, avec que des titres d'accept. Hein, allez comprendre. Titi Quick, c'est le frère de Nesquik. Vraiment, non. Gros quick. En tout cas, il a une voix vraiment qui colle à merveille à Accept. Vous allez pouvoir l'entendre sur le morceau Stampede, qui était sorti sur leur avant-dernier album, me semble-t-il. Non, le dernier, pas l'avant-dernier, le dernier album, qui s'appelait Rage. Je sais plus comment. Animal Rage. En tout cas, un super titre Stampede en live. D'ailleurs, je crois que c'est le morceau qui ouvre le concert. Le concert a été enregistré au Bang Your Head en 2015. Et c'est l'intégralité du concert. Donc vous aurez un DVD Blu-ray plus deux CD live dans le package. Et surtout, si vous voulez aller le voir en live, vous les retrouverez le 16 janvier à l'Olympia avec Sabaton. On en reparlera certainement la semaine prochaine, bien évidemment. Hein. Non, Sabaton. Mais Sabaton. Sabaton, complètement. Un groupe suédois qui nous a sorti aussi un album qui était dans notre best-of. Des semaines passées. Voilà. Best-of 2016. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe. Alors là, ça va faire des trous dans la tête. Brutal Unrest. Oui, parce que déjà dans le titre, dans le nom du groupe, ça vous dit tout. Brutal Unrest, tiré de leur album Trinitas, qui est leur troisième album. Quatrième album. Sorti chez Hammer Earth le 1er janvier. Alors ça, c'est chleux. C'est quand même dingue de sortir un album le 1er janvier. C'est du death metal. Ils se sont formés en 2002. Ils nous viennent effectivement d'Allemagne. Et le titre que je vous propose d'écouter s'appelle Systématique Torture. Exactement. Ça, vous allez avoir vos oreilles torturées surtout. Et on enchaînera enfin pour terminer avec du mélodique, avec du power mélodique, du prog mélodique même. Puisqu'il s'agit des Canadiens de Borealis, tiré de leur album World of Silence 2017. Puisqu'en fait, c'est un réenregistrement de leur album qui était sorti en 2008. Et donc, ils nous le réenregistrent et ils nous le sortent en 2017. Ouais, on se dit qu'ils ont peut-être pas assez de. Ils n'ont peut-être plus assez d'inspiration. C'est fini quoi. Ouais, je pense, je sais pas. En tout cas, le morceau, bah nous aussi, on n'avait pas beaucoup d'inspiration. On vous a choisi World of Silence, le titre éponyme de l'album, bien évidemment. C'est un quintet de power mélodique formé en 2005. Et ils nous viennent de Orangeville. Non, ce n'est pas les téléphones. Orangeville dans l'Ontario. Et donc, on salue bien bas tous nos amis canadiens, bien évidemment, et on vous envoie de la musique dans vos oreilles. Ouvrez-les bien, c'est parti maintenant, sans plus attendre, Accept. we see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. Don't you go. De retour dans les studios pour ce spécial Heavy Metal New Year. T'as l'impression qu'on revient de loin quand tu... Oui, parce que j'étais parti sous l'eau. Je sais, je suis toujours en sous-marin en ce moment avec le Paris Metal France Festival. Donc du coup, voilà, j'étais un petit peu en sous-marin. Alors nous avons écouté quoi, mon cher Tom Afrak? On a écouté de bonnes choses. Alors on a commencé avec... Accept. Exactement, les Allemands. On a continué encore avec des... Brutal Unrest. Et on a terminé avec Borealis. Yes, et on écoute Vulcain. Oui, on écoute Vulcain en fond sonore. PMFF. Oui, PMFF, ils seront en tête d'affiche le dimanche soir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est au plan, ils s'enregistrent bien sûr les 6, 7 et 8. Et eux, ils joueront le 8 le dimanche soir, comme je vous l'ai dit, en tête d'affiche. Et ils joueront donc à 21h25. Et ils joueront pendant une heure. Voilà. Donc ne les ratez pas, hein, puisque c'est la première fois qu'ils sont au Paris Metal France Festival. Nous allons continuer avec... alors on vous rappelle aussi quand même que pour acheter vos places, soit vous les achetez sur Wiz Event, soit vous les achetez au guichet directement, avec une petite majoration du prix, bien évidemment. Hein. Sur Wiz Event, t'as pas de majoration? Non, il n'y a pas de majoration de prix, enfin juste les frais. Mais en plus, ils impriment eux-mêmes leurs billets. Donc. À la limite, ils peuvent le laisser sur le téléphone aussi. Sur le téléphone, ils peuvent le laisser sur le téléphone et le présenter à l'entrée, tout à fait. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh bien, quoi? Eh bien, Terrifier, ça sera la suite de la programmation. Terrifier. C'est un groupe de thrash metal, death un petit peu. Ils nous viennent du Canada, hein, si mes souvenirs sont bons, ils nous viennent de Vancouver. Et nous, on n'est pas à Vancouver, mais avant Découvert en ce moment. Hein, ça caille. Surtout là. Ça caille. Mais à Vancouver, ils sont pas non plus à Vancouver. Hein. Ah, ils sont bien très, froids. Très, aussi. Ouais, il paraît que ça gèle bien là-bas. Comme à Montréal, comme disait un groupe, moins 40. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup peu. Le groupe donc nous vient de Vancouver et ils nous ont sorti un album. Ils nous l'ont sorti ou ils vont le sortir? Non, ils vont le sortir le 20 janvier. Ça sortira chez Test Your Metal Records. Et le titre de cet album se nomme, mon cher Tom, Weapons of Trash. Trash Destruction. Exactement, l'arme de Trash Destruction, de Destruction Trash. Et le label Tester Metal. Ouais, tout est dans le métal. En fait, là, on peut pas s'y tromper. Et le titre du morceau, ça s'appelle Schizoid. Embolisme. Exactement. Bon, c'est un peu moins métal, mais rien que le nom, ça fait un peu penser. Ouais, théâtre. Oh, même, c'est un peu haut perché, quoi. Ouais, quand même. Non, mais c'est vraiment bien. C'est très mélodique. Vous avez écouté, c'est pas mal. Là, c'est leur deuxième album. Il fait 9 titres. Et c'est du pur thrash metal. On enchaînera ensuite avec Battle Beast, là c'est du pur heavy metal avec chanteuse. L'album sortira le 17 février chez Nuclear Blast, beaucoup de sorties chez Nuclear Blast. Le groupe est finlandais, il nous vient de Helsinki, un pays où il fait pas très chaud non plus. Hein. Et le titre que Helsinki. Je vous propose... Helsinki. le titre que je vous propose de découvrir s'appelle King for a Day, le roi d'un jour. Bah ça tombe bien. Puisque l'épiphanie, c'est demain, non? Le 6 janvier. Enfin, moi, je suis né le jour de l'épiphanie. Donc, le roi d'un jour. Voilà. C'était juste pour ça que j'avais choisi ce titre de Battle Beast. Qu'est-ce qu'on peut Tu vas sauter par la fenêtre. C'est le 4e album du groupe. Il fait 10 titres sur sa version normale et 3 titres supplémentaires. Donc, 13 titres sur sa version Digipack. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le groupe s'est formé en 2008. Voilà. Hein? C'est tout? Et puis, c'est très bien. C'est très excellent. Ensuite, nous allons alors là passer dans un genre complètement à des milliers de kilomètres de lieux, même on peut dire, de ce que fait Battle Beast, puisqu'il s'agit de Magnet. Magnet qui est un groupe. Ils nous viennent d'où? Je crois qu'ils nous viennent pas de la porte d'à côté. C'est les Italiens. Ils viennent d'Italie, donc de l'autre côté. C'est des juste à côté, mais c'est pas. De l'autre côté, c'est des un peu Alpes, de la porte à côté. Hein. Oui, oui, oui, ils sont pas très très loin. D'ailleurs, le tunnel du Doublon est encore ouvert, quoi. Ils l'ont pas refermé encore. Non, et d'ailleurs, il y aura un groupe italien au Paris Metal France Festival qui s'appelle Crying Steel. Là, on est dans un autre style que Crying. L'album sortira le 27 janvier. Et merci. On est que deux, il y aurait Jen, elle applaudirait aussi. D'ailleurs, on la salue au passage. Chez Soul Seller Records. Oui, on la salue bien. Je voulais en parler tout à l'heure de Jen. Elle n'a pas réussi à passer la nouvelle année. Elle va très bien, mais elle n'est pas là ce soir. Donc, bon, vous la retrouverez au Paris avec Metal nous, France avec nous, elle n'a pas réussi à passer l'année. Non, avec nous, elle n'a pas réussi. Elle voulait venir. Elle voulait. Elle n'a pas pu. Le groupe s'est formé en 2008. Non, c'est pas ça. C'est... Le groupe s'appelle Planet. Ils nous ont sorti un album qui s'appelle Feel Your Fire. Hein. Ils sont formés en 2016. Oui, ils sont formés en 2016. Donc c'est du rock busy typé années 70, comme tu l'as si bien marqué. Et puis voilà, le titre du morceau. Buried Alive with Tea. Voilà. Donc on va vous laisser écouter ça. Bon, vous allez voir, hein, ça voyage. Feel Your Fire. Ça voyage bien, mais bien dans les années 70. C'est perché. Allez, on s'envole en musique. On vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Il n'y a rien à gagner ce soir. Hein. Désolé, on a préparé le Paris Metal France Festival et on a essayé de gagner un petit peu sur le temps déjà. Donc on commence avec Terrifier, on continue avec Battle Beast et on terminera avec Magnet. C'est parti. Now what is it? You better get down here. It looks like we got another schizoid embolism. Dad! You blew my cover! What the fuck is going on here? Just émission et première émission de l'année 2017. Bonne année à tous. Pour tous ceux qui prennent bonne année, bon été. Bonne année, ouais, ouais, mais elle est pas là ce soir, bonne année. Dommage. Hein, mais bon, on en verra d'autres au Paris Metal France Festival des bonnes années. Puisqu'il y a plein de filles qui viennent jouer avec des groupes, avec des chanteuses, avec des. Ça va être la furie. Des instrumentistes, oui, complètement. Alors par contre, chez Manigance, il n'y a pas trop de tétés. Hein. Hein, c'est Manigance que vous entendez en fond sonore. Il y en a un petit peu, mais ils ont de l'âge, quoi. Ouais, ils sont de super. La bouteille aussi, quoi. Ils sont adorables. Ils joueront samedi soir à 20h20. 20-20. Quand le 20-20 est tiré, il faut le boire. Vu avec modération, bien évidemment. Ils seront bien évidemment sur l'ultime stage. L'alcool est mauvais pour la santé, à consommer avec modération. Non, ça conserve l'alcool. Et ça soigne aussi. Ouais, mais à consommer mais, avec modération. Ah, voilà. C'est qui celui-là ? Je ne connais pas. Il est peut-être cool, mais il faut modération quand même. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on en a écouté dans cette petite programmation musicale avant d'entendre Manigance ? Mais tellement de choses, très cher. On a écouté juste avant, on a écouté Magnet. Oui, mais juste avant. Mais en tout début, on s'était terrifié un petit peu à l'idée de. Ça y est, le PMFF arrive, Phil fête ses 50 ans. C'était 35 ans d'année, c'est 10 ans du festival. Voilà, c'était terrifiant avec un bel album à venir, parce que ça arrive dans le courant du mois. Ouais. Et juste après, c'était Battle Beast. Voilà. Les Finlandais, ils envoient leur air froid. Ouais, et puis c'était froid, enfin, roi pour un jour. Ouais. Sera roi pour 3 jours, toi. En tout cas, Manigance, on les retrouvera avec, je pense, des extraits de leur nouvel album. Parce qu'il y a un nouvel album qui est enregistré et qui va sortir. Donc, il y aura également Hurlement qui viendra avec son nouvel album. Il y aura peut-être d'autres groupes qui viendront avec leur nouvel album. Bah, déjà, il y aura Face to Face qui viendront nous présenter leur nouvel album. Je pense que Vulcain fera peut-être une petite surprise. Peut-être, on verra. Merciless, nouvel album, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Conscience va peut-être nous ramener des nouvelles choses aussi. Oui, je crois qu'il en avait parlé, donc je pense que oui. Your Blind, peut-être, éventuellement. Freaky Time aussi, peut-être. MF Crew, sûrement. Je pense que tout le monde va ramener sa petite dose de petits nouveautés. Freaky Time, c'est sûr et certain, il y aura des nouveaux titres par rapport au EP, ça c'est sûr. Hein, puisque en même temps, l'EP, si vous écoutez l'EP vous avez peur d'aller voir Freaky Time. Dites-vous que c'est encore mieux que l'EP. Ah, l'EP, c'est très basique. Ouais, c'est... Ouais. Bah, c'était leur tout premier EP. Alors oui, là, voilà, ils ont quand même beaucoup évolué. Ça tambourine un peu plus. Et le groupe a eu que des éloges lorsqu'ils sont venus jouer au Dr. Feelgood. Puisqu'ils ils ont fait un show d'une heure à peu près au Dr. Feelgood et ils n'ont eu que des éloges. Ils m'ont dit on ne s'attendait pas à un accueil comme ça des Parisiens. Et bien voilà. Ils ont... Alors, comme je leur dis, hein, vous avez donné le maximum de vous-même, vous avez donné ce que vous êtes. Et je pense que les Parisiens ont adhéré à votre musique et tant mieux. Voilà. Donc, on espère que vous allez adhérer également au Paris Metal France Festival. Sixième du nom, bien évidemment, à Ris-Orangis, 1 boulevard Louis Aragon, à partir de 17h30 vendredi. On va continuer avec des groupes de metal, bien évidemment, mais qui ne seront pas au Paris Metal France Festival. On va continuer avec un groupe qui s'appelle Stillborn Slave. C'est un groupe français, oui madame, qui nous a sorti... Non monsieur. Bah si, qui nous a sorti un album en 2016. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que des albums de 2017. Bah non, celui-là non, il a été sorti en 2016, le 15 décembre à peu près, hein, éventuellement chez Do It, enfin au moins distribué par Do It. Ça s'appelle Seven Ways to Die. Et le titre que je vous propose d'écouter, c'est End of Everything. Donc la fin des choses, hein, toutes les choses ont une fin ou toute la fin des choses. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce groupe ? Je ne sais pas d'où ils nous viennent exactement, ils sont peut-être parisiens. En tout cas, c'est leur deuxième album. Et musicalement, on tourne autour d'une espèce de metalcore. Mais c'est un peu restrictif de dire ça, c'est pas mal foutu. C'est très mélodique par moment, et là, ma foi, je vous ai choisi un titre qui est peut-être le moins mélodique de l'album. Bon, tant pis pour vous, mais c'est comme ça. On enchaînera ensuite avec un groupe américain. Immolation, yes, qui nous sort un nouvel album. Qui, je crois que ça doit être leur 10e album. Il fait 14 titres, non, 11 titres, excusez-moi. Il fait 11 titres. Et il sortira le 24 février chez Nuclear Blast. Beaucoup de sorties chez Nuclear Blast hein, cette année. L'album s'appelle Atonement. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, Destructive Currents. Exactement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ils nous viennent de New York, bien évidemment, et c'est un quatuor qui fait du test. Oh, bien évidemment, américain, New York, c'est pas obligatoire. Bah, s'ils nous viennent de New York, ils nous viennent obligatoirement, ils sont américains. Oui, mais t'as dit, ils nous viennent de New York. Non ? Bien entendu, si. Ah bon ? Je vais pas. Ils sont américains, ils viennent de New York. Ouais ! Ils viennent de New York, ils sont forcément américains. Enfin, ils sont américains, ils viennent de New York. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est un quatuor death metal et qui s'est formé en 1988. Encore une fois, je vous le répète, c'est dans les vieux métalleux que l'on fait le meilleur metal. Immolation, donc, nouvel album. Et nous finirons avec quelque chose de tout récent. Ça s'appelle Marching Out. Alors, pour les puristes, Marching Out, c'était le premier album de Yngwie Malmsteen. Alors, ils nous font pas du Yngwie Malmsteen, mais on est quand même pas très très loin de cette musique des années 80, puisqu'ils nous font quelque chose de très speed, teinté années 80, teinté rock, hard rock. Hein. Et vous allez voir, il y a des virtuoses dedans. On retrouve des musiciens de Loudness, groupe japonais, puisque c'est un groupe japonais, oui, je vous l'avais pas dit. Marching Out est un groupe japonais. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Rock Will Never Die. Un petit peu comme l'avait sorti Monsieur Michael Schenker. C'est un apport japonais, bien évidemment. Et on retrouve plein de gens connus sur ce morceau. Et ce morceau, vous pourrez le découvrir sur Internet, sur YouTube, hein, bien évidemment, puisqu'il est disponible. Et vous allez voir, ce sont des virtuoses. Et on retrouve également le chanteur de je ne me rappelle plus de quel groupe, mais un chanteur d'un groupe européen. Donc, je ne sais plus de quel groupe. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez voir. Allez sur Internet et vous verrez comme quoi le line-up de ce groupe est vraiment fantastique. Et puis, rien qu'à l'écoute, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, au départ, ça fait un petit peu vieillot, mais vous allez voir que ce sont vraiment des virtuoses. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai écouté le titre en fait hier soir et puis je me suis dit bah tiens on va le mettre dans la playlist. On en voit donc tout de suite avec du brutal d'abord, du brutal ensuite et du virtuose après. Musique, c'est parti. You're face à face, face to face. Si tu parles en face à face avec ton micro, c'est mieux. C'est mieux ? Ouais, face à face. Attends, je te le mets droit dans la bouche. C'est le Paris Metal. Mange-le, le micro. Ouais, mais c'est dégueulasse comme micro, c'est de la mousse. Allez, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. Vous pouvez nous écouter sur Radio Québec.biz et Radio Québec.biz. Voilà. Voilà. Non, et radio. Non, radio. Non, pas. Si. Non. Je crois pas. Non. Non. En tout cas. Je préfère pas. Enfin. Ouais, on préfère pas le dire. On peut. Bah, sur la page Facebook de Radio, vous avez le lien. Voilà. Pour nous écouter. Radio Québec.biz et peut-être. Mais il y a peu de chance. Hein, ouais. Radio. Bon, avis, en tout cas, tout à l'heure ça fonctionnait pas, donc là peut-être que ça fonctionne bon, maintenant. On verra bien. En tout cas, sachez que nous avons écouté. Mais on est toujours là. Voilà. Des choses qui, ma foi, étaient fort différentes et j'espère que vous aurez apprécié. Il s'agissait de Stillborn Slave, suivi de Immolation. On brûle. Et on a terminé avec Marching Out. Alors j'espère que vous avez bien apprécié Marching Out. Enfin, moi j'ai vraiment craqué quoi. C'est des virtuoses. C'est japonais. Je pense qu'on va en entendre parler. C'est nippon du mauvais. Ah non, non, c'est surtout nippon. Pas du tout mauvais. C'est vraiment excellent. Et je pense qu'on va entendre parler de ce groupe-là. Par contre, pour tous les labels qui nous écoutent, si vous nous écoutez, eh bien, le groupe cherche un distributeur, voire même une compagnie de disques en France. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé aussi leur titre. Et qui nous ont demandé de le diffuser dans le Rock for Show, parce qu'apparemment le Rock for Show est écouté également au Japon. Et oui, puisque je sais plus si c'est le guitariste qui m'a donc topé sur Facebook. Voilà, je le remercie. On a eu une petite conversation cette semaine et c'était franchement très sympathique. Donc il parle très très bien anglais, parce que moi je parle pas du tout japonais, surtout avec leurs dessins, j'ai rien compris. Si vous allez sur leur page Facebook, vous allez voir tout est marqué en japonais. C'est un peu voilà. Bon, c'est bien qu'ils fassent une version anglaise aussi, ce serait assez sympathique. En tout cas, vraiment, moi j'ai craqué sur ce groupe qui s'appelle Marching Out et le morceau c'était Rock Will Never Die. On en reparlera, hein. De toute façon je pense qu'on en reparlera puisque j'attends l'album avec impatience. Nous allons parler donc de Face to Face puis qui seront au Paris Metal France Festival. Ils joueront le dimanche, c'est un groupe qui se reforme, groupe des années fin des années 80. Début des années 90, groupe de Fabien Givrez, de Fred Guimet, de Farid Medjan à l'époque, qui étaient des ex-Trust. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, ils sont signés chez Brennus avec un album qui s'appelle After the Storm, qui était vraiment excellent, rock'n'roll à souhait, avec au chant Monsieur Olivier Delval, qui a participé à Blasphème hein, sur les moutures live. Et qui était surtout, qui est toujours chanteur de Shannon. Voilà. Et puis il a d'autres projets, hein, le père Olivier Delval. Donc on est très très très content de le retrouver sur l'affiche du Paris Metal France Festival. Franchement, j'en suis très fier. J'adore sa voix, j'adore ce personnage et surtout il est adorable. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ? Eh bien, les horaires d'ouverture le vendredi, le Paris Metal France Festival ouvre ses portes à 17h30 et vous proposera 9 groupes. 9 groupes à l'affiche, dont Misanthrope, Merciless, Altered Beast qui ouvrira. Il y aura Unscared, Your Blind, Identity, Witches. Il y aura également Misanthrope, Tank, hein, Think of a New Kind. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est tout. Et il y a les X, bien évidemment, puisqu'ils joueront les 3 soirs. Voilà, donc 9 groupes, ne les ratez pas. Il y aura des places, hein, des beaux billets en vente à l'ouverture au plan. Mais dépêchez-vous, parce qu'il en restera peut-être pas beaucoup. Il y aura également encore quelques passes 3 jours pour ceux qui ont raté le coche sur internet. Vous pouvez encore acheter vos places sur WizEvent, mais c'est fini sur le Big Cartel. Et sur WizEvent, on peut acheter les passes 3 jours ou pas ? Oui, on peut acheter aussi les passes 3 jours, les passes vrais, à la on journée. On aura les vrais billets ou... Ah non, sur WizEvent, vous imprimerez vos propres billets. Et on pourra pas avoir des vrais billets à l'entrée. Oh, s'il nous en reste à la fin des 3 jours, on vous les donnera. On vous les enverra, même si vous en faites la demande. C'est parce que ça nous coûtera de plus de vous envoyer un billet puisque vous aurez acheté votre place de toute façon. Il y aura des t-shirts également. À 10 euros, on fait vraiment le prix le plus planché possible des t-shirts double face du Paris Metal France Festival à 10 euros. Voilà, c'est vraiment pour vous, pour le souvenir, hein, parce que là-dessus, on gagne quasiment rien du tout. Hein, donc c'est vraiment, on fait vraiment ça pour vous, pour nous, pour s'amuser. Mais n'espérez pas, ne pensez pas qu'on cherche le bénéfice à tout prix, puisque c'est vraiment pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir et de vous présenter une affiche de rêve qui n'a jamais été présentée encore sur Paris. Voilà. Je sais même pas si en France ce genre d'affiche-là a été présenté, puisque le France Festival n'avait que 25 groupes à son affiche en 85 et 84. Nous proposons donc 41 groupes. Voilà, je pense que c'est vraiment la crème de la scène française. Plus 3 groupes étrangers. Crying Steel, groupe italien, Drakkar, groupe belge, et Fire Force, groupe de Heavy Speed belge. Vraiment, ça va dépoter sa mère. On n'a pas de groupe canadien, c'était prévu. On aurait dû avoir un groupe qui s'appelait Bod Actan, que l'on adore ici. Mais bon, voilà. Par contre, on a un groupe aux consonances irlandaises avec Patomé. On a monsieur Yann Armelino avec Buccio. On a du Celt aussi. Boisson Divine. Voilà. On a du Gothic avec Benighted Soul. On a du rock'n'roll furieux avec Furies. On a également du rock'n'roll furieux avec MF Crew, avec Des Illusions, avec Gang, avec Face to Face, bien on entendu. On a du Proy avec Manigance, Océan, Conscience, bien évidemment, Attraction Theory, Asyl Empire, des groupes qui vont vous présenter quelque chose de tout nouveau, hein, puisque nouvel chanteur, nouvelle mouture, nouvelle. J'aime bien nouvel chanteur. Nouveau chanteur, nouvelle chanteuse et nouveau guitariste et musicien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que j'oublie? Freaky Time, bien évidemment. Trashback, Hurlement avec un nouvel album et un nouveau line-up. Trashback, pareil, un nouveau line-up hein, avec un nouvel album également. Et j'en oublie des groupes, et pardonnez-moi. Ils sont tous indiqués sur la page Facebook du Paris Metal France Festival. Alors vous tapez soit sur Facebook Paris Metal France Festival ou alors PMFF, où vous tombez directement sur l'event pour avoir tous les détails horaires, les food trucks, puisqu'il y aura deux food trucks hein, avec un qui fera des hamburgers, un autre un peu plus végétarien puisqu'il sera dans la nourriture libanaise, donc avec des hummus et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y aura des stands de merch, pas seulement des stands pour le PMFF, mais pour tous les groupes, et des stands de merch en plus, avec des bijoux, avec des tatoueurs, je crois. Et, enfin bref, vous aurez un petit peu de tout. Et vous aurez donc 41 groupes sur deux scènes sur le plan. Voilà, l'arrêt du RER, bien évidemment, il faut le connaître. C'est Orangis Bois de l'Épine, et non pas Riss Orangis, hein, c'est Orangis Bois de l'Épine. Et quand vous descendez du RER D, que vous pouvez prendre à Gare de Lyon, que vous pouvez prendre également à Châtelet-Léal. Gare du Nord, Châtelet-Léal, Gare de Lyon. Et... Vous pouvez le prendre un peu partout, le RERD. Eh bien, vous arrivez à Bois de l'Épine. Tous les concerts termineront à 23h30 pour vous permettre de retourner chez vous dans les meilleures conditions, pour en prendre les transports en commun. J'ai oublié des choses, mon cher Tom ? Non. Vous avez tout juste le temps, parce que l'autre fois, tu m'avais annoncé minuit 40 les derniers trains. Oui. Mais c'est aux alentours de minuit. Minuit 40, ça doit aller en direction province. Ah, d'accord. Pour aller direction Paris, c'est aux alentours de minuit. D'accord. Bon, minuit, en tout cas, ça vous laisse 10, une bonne demi-heure. 15, voilà. Étant donné maximum. Que le RER est à 5 minutes. Sinon, vous prenez les. Transilien. Vous pouvez prendre le Transilien à Juvisy. Et le Transilien, lui, vous emmène au cœur de Paris. Oui. Non, mais sinon, vous prenez les voitures avec chauffeur privé. Et voilà. Oui, et vous avez également le covoiturage. Voilà. Faites marcher le covoiturage, Blablacar et autre chose. Hein. Voilà. Je sais pas s'il y en a. Si, tu penses. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent au Paris Metal France Festival seuls en voiture. Oui, mais tu penses qu'ils ont mis un Blablacar juste pour ça? Moi, j'aime bien. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Écoute, nous, on a eu un magnifique article dans Télérama alors que nous ne les avions pas contactés. C'est eux qui nous ont contactés. Donc, je pense que ça doit intéresser. Non, mais bien sûr. La promo a été, m'a-t-on dit, j'en prends acte. Elle avait été très bien faite parce que le Paris Metal France Festival avait été annoncé partout. Donc si elle a été très bien faite, je pense que même les Blablacar sont au courant. On va continuer avec une nouveauté hein, pour terminer. Il nous reste combien de temps à peu près? Un quart d'heure hein? Un truc comme ça. Un petit truc comme un quart d'heure. Donc je vous propose de retourner au Canada. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Tom? On retourne au Canada. On va sur Jupiter. Le Hollow, Jupiter Hollow. Donc l'anneau de Jupiter, avec un groupe qu'on vous a déjà passé en 2016, tiré de leur EP Odyssée, Le groupe donc s'appelle Jupiter Hollow et le titre que je vous propose de découvrir c'est Deep in Space, au plus profond de l'espace. L'album sortira le 13 janvier. L'EP. Ouais, l'EP sortira le 13 janvier. Ils nous font du prog metal. Voilà, et puis, ma foi, hein, c'est vraiment excellent. On se retrouve après pour parler encore du Paris Metal France Festival, parce que pour tous ceux qui se posent encore des petites questions, hein, sachez que vous pouvez quand même m'appeler au 06 81 01 28 34 si vous voulez plus de détails. Je suis disponible pour vous. Voilà. Pendant les pauses musicales, c'est mieux. Oui, pendant les pauses musicales, c'est nettement mieux. On envoie la musique ? On envoie la musique. Jupiter Holo, c'est parti. dans les studios au son de Océan, un océan de métal. C'est ce qui nous attend ce week-end. Et oui, oui, oui, oui, oui, 41 groupes. Océan passera donc le samedi au Paris Metal France Festival à 17h50. Donc là, on peut parler sur le morceau parce qu'on va se le réécouter en entier, hein, donc vous inquiétez pas. Pour tous les amateurs de Océan. Océan, groupe qui s'est formé dans les années fin des années 70, quand même, hein, avec, on peut dire, à l'instar de Trust, il y avait Voix de Fée, qui c'est qu'il y avait encore à cette époque-là, des groupes comme Magma, des groupes comme... enfin bref, toute une pléthore de groupes, hein, des années, ce qu'on appelait feu les années 70. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ce qu'on a écouté juste avant, bien évidemment, puisqu'il s'agissait des Canadiens de Jupiter Hollow, avec des espèces de breaks, des coupures, où mon cher Tom disait « Non, c'est fini, c'est pas fini, non, c'est fini, non, c'est pas fini, non, c'est fini. » Au début, t'as peur, et après, tu dis « Oh, ils arrêtent leur connerie, ces cons-là, parce que ce serait bien, c'est cool leur musique, mais à chaque fois, on a l'impression qu'ils s'arrêtent. » Voilà, mais en fait, c'est fini, non. Mais en fait, ça continue. Ouais, c'est ça le problème. Et à la fin, ça s'arrête, et t'es là, tu fais « Ça va continuer ?»« Ça va. Ah non, c'est fini. » Voilà. Donc, nous, c'est bientôt fini aussi, hein. On va faire un petit coucou à Jen, hein, parce qu'elle nous manque quand même. Ouais, c'est bientôt fini, même tout court. Oui, parce que c'est le titre de l'album de Océan, c'est la fin. Ouais, voilà, bah y a plein de choses que c'est la fin. Enfin, vaut mieux. C'est le début de l'année, mais c'est la fin aussi en même temps. Ouais, c'est la fin, c'est la fin des haricots. C'est la fin de mon premier demi-siècle. Voilà. Et ouais. Ouais, quand même, hein. Et c'est la fin des haricots, c'est la fin. De l'émission. De ton premier demi-siècle, oui. Bah oui. Ah bah oui, oui, oui. C'est ton jubilé, quoi, c'est tout. Hein. C'est mon jubilé, ouais, premier demi-siècle. Et puis surtout, on vous l'a peut-être pas dit, mais vous l'avez peut-être un petit peu compris. C'est-à-dire que c'est le dernier mois aussi, c'est la fin de. Ce sera le dernier mois où vous allez retrouver le Rock for Show tous les jours. Ah oui, c'est pour ça que je disais c'était la fin, mais ça, ils n'ont pas compris. Enfin, fallait lire les articles, c'était un peu paru partout, on a fait des sous-entendus depuis quelques mois. Voilà, donc le Rock for Show va s'arrêter dans sa version va se calmer, hebdomadaire, mais on va peut-être faire des émissions spéciales, peut-être deux fois par mois, peut-être une fois par mois. Dans un premier temps, on va essayer de se cantonner à une fois par mois pour essayer de reprendre un peu pied dans la réalité, dans la vie, essayer de se reconstruire, parce que ces deux dernières années ont été quand même assez éprouvantes. Et puis vous proposez quelque chose de nouveau. On va essayer de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, mon cher Tom. On va voir ce qu'on va faire. Des émissions à thème, enfin. Des émissions à thème avec des. À thème Ben Arfa. franchement, va plonger dans l'océan. Non, bah, elle est pas mal. Oui, on va plonger dans l'océan. Un océan. Alors, c'est quoi le titre déjà d'Océan? C'est tu l'as? Instinct animal. Ah oui, Instinct animal. Oui, c'est vrai. Tiré de l'album, c'est la fin. Donc, on va vous quitter sur C'est la fin avec Océan. Et on vous donne rendez-vous quand même demain, hein, au Paris Metal France Festival à partir de 17h30. Et puis aussi après-demain, et puis aussi dimanche. Quoi. Voilà, pendant 3 jours. En gros, c'est le week-end où vous venez faire la fête à Philippe. Pas à moi. Venez faire la fête au groupe de métal français. Venez soutenir votre scène nationale. Et ce n'est pas du tout autre chose que du plaisir, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Hein, ils s'enregistrent. C'est ton plan. On vous rappelle le RER, c'est. RER Orangis, RER de l'épine, RER D. La ligne verte, hein, pas la ligne bleue, c'est le bleu, c'est le B. Voilà, donc la ligne verte. D comme Daniel. La ligne écologique. Allez, on vous laisse avec Océan avant de les retrouver en live, en direct live samedi soir. On vous rappelle sur l'ultime stage à 17h50. Musique et à la semaine prochaine. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock. C'était le rock for show.